l'ordre national de l'UPA. Frankie Yang. Maman, Samba Tine. Tine. Okabe Kumbu Yango. Yango. Delolia Soso Pepe. La mère Mende Yaman Solo. Abinda Kanako Samba. Frankie Yang. Gladys à Londres, William à Londres, Colonel Casson, Willy de Zamba, Coach Papi, Coach Emi, Frankie, allez. Adolo imote. Make it Obama toka iso mae mama melengola ma melengola ma mama melengola mi melengola ma Denis Oka.